Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional, d'abord en parlant de la Ligue du lac au fleuve. En entrevue sur les ondes de CKJ avec nos collègues Michel Tifo et Dominique Bolduc, le commissaire de la Ligue du lac au fleuve, Mathieu Caron, a confirmé que Saint-Bruno allait maintenant joindre les rangs de la Ligue du lac au fleuve. En réalité, là, on a maintenant la Ligue est rendue avec 6 concessions. Nous avons adhéré, c'est pas encore totalement fait, là, tu devances un peu les nouvelles là-dessus, mais effectivement, notre franchise là, au Lac-Saint-Jean là, qui serait peut-être intéressée à pouvoir adhérer à la Ligue. Okay. Et c'est une formalité pour qu'on puisse, régler le dossier. Mais quand même, la Ligue a maintenant 6 concessions. Par contre, effectivement, oui, on va jouer à 5 équipes l'année prochaine. Le pourquoi, c'est que l'équipe de Forestville ont décidé de prendre une année sabbatique afin de pouvoir se restructurer. Il y a beaucoup de joueurs qui vont risquer d'être encore plus disponibles pour l'année 2020-2021. Donc, on va pouvoir ils vont pouvoir justement se restructurer. Les gouverneurs qui étaient là, ils étaient un peu épuisés, puis je les comprends parce qu'ils travaillaient quasiment tout seuls à tout ça. Fait qu'ils voulaient vraiment là prendre leur temps là à bien se préparer puis être de retour là pour l'année prochaine. Là. Dans un deuxième thème, Mathieu Caron mentionne que la Ligue du lac au fleuve va avoir une belle rivalité avec les 3 équipes du lac Saint-Jean, soit Saint-Bruno, également la MJR Express de Jonquière et le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. Je pense qu'on va avoir une très belle rivalité entre 3 organisations au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout le monde est conscient de ça. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne idée. On va avoir quand même la rivalité aussi du côté du fleuve là. On parle de Charlevoix puis on parle de côté Wendake. Donc honnêtement l'année prochaine ça va être une saison qui risque d'être assez excitante. La randonnée du silence qui est une randonnée en vélo va se mettre en branle ce soir à Dolbeau-Mistassini sur le coup de 18h. C'est vers la parc de la pointe des Pecs que le peloton va se mettre en branle. À l'entrevue sur les ondes de danoisesport.com hier, Paul Morel a mentionné évidemment à quoi consiste le Tour du silence. Ben, écoute, essentiellement, le Tour du silence, c'est sensibiliser, l'objectif est de sensibiliser les gens au partage de la route, c'est-à-dire autant au niveau des cyclistes que des automobilistes. Conscientiser, faire prendre conscience des responsabilités de chacun de ces parties-là, justement pour assurer une sécurité routière idéale. Alors, et aussi, on rend hommage en même temps, ouais. Aux cyclistes qui ont perdu la vie lors de l'activité, leur activité préférée. Dans un deuxième temps, Paul Morel mentionne qu'il y aura un test qui va se faire en fin de semaine. Et si le test est concluant, il y aura un demi-marathon au printemps 2020 à Dolbeau-Mistassini. À présenter de notre côté pour cette distance-là, pour en faire un événement officiel en 2020, okay. Dans les mêmes dates. Donc, on fait un test dimanche. Ce qu'on fait, c'est du centre civique, on part à 8h, on prend un autobus, on s'en va au centre communautaire de Sainte-Jeanne-d'Arc. Ah, okay. À partir de là, les coureurs vont partir du centre communautaire de Sainte-Jeanne-d'Arc en passant par la piste cyclable, donc il y a déjà un 11 km qui va se faire là entre Sainte-Jeanne-d'Arc jusqu'à la sortie dans le secteur Mistassini, en collaboration avec la Véloroute des Bleuets. Et puis, ensuite, on descend et on retourne vers le centre civique là, pour une distance de 21. On va parler de deck hockey. Maintenant, il y avait des matchs qui sont ouverts à Saint-Prime et dans les différentes ligues. D'abord, les Redmen ont défait les Giantoniques 5-1. Pour les Redmen, on était que Tine Lonnière a marqué 3 buts, LP Simard 2 buts, une passe. Maintenant, dans l'autre match, faites noter que victoire des Terre-et-Mer 6-4 sur les Farfelus. Maintenant, également, les Mighty Ducks ont défait les Knights par le pointage. Plutôt les Mighty Ducks qui ont perdu 2-1 contre les Knights. Pour les Knights, Charles Tremblay a marqué 2 buts. Dans l'autre match, victoire des Young Guns 10-2 sur les Décadences. pour les Young Guns, on a noté que un but, quatre passes pour Charles Duchesne. Charles-Éric Rochefort, trois buts, une passe. Et William Rochefort a marqué deux buts. Et dans le dernier match au programme, victoire des Kings 10-8 sur les Eagles. Un match extrêmement offensif. Donc pour les Kings, 4 buts, 2 passes pour Samuel Rodrigue, 3 buts, 2 passes pour Olivier Collard, 3 buts pour Alexandre Cloutier. Et pour les Eagles, ben, le meilleur joueur a été un truc du chapeau pour Sheldon Bucknell-Robertson. Le club de golf de Saint-Prime va ouvrir à toute la population à compter de vendredi. Donc les membres et non-membres vont pouvoir pratiquer leur sport favori sur les 18 trous. Et tant qu'au club de golf de Beaumont-Sassigny, il va ouvrir très très prochainement également. J'invite à écouter la section entrevue de danoisdesport.com. Hier, on a parlé d'abord avec plusieurs intervenants. Raphaël Harvey-Pinard des Huskies de Rouyn-Noranda nous parle évidemment de la Coupe Memorial et de la conquête de la Coupe du Président par les Huskies de Rouyn-Noranda. Également, je me suis entretenu aussi avec d'autres intervenants du monde du sport, donc Paul Morel qui nous parle d'un demi-marathon à Dolbeau-Missassini. Et dans un dernier temps, ben, Mathieu Caron, le président de la Ligue du Lac-au-Fleuve, vient nous parler de l'expansion Saint-Bruno. Maintenant partie de la Ligue du Lac-au-Fleuve. Sport local et régional, à danoisdesport.com.